Chapitre 17e, sur la route. Israël Kensky mourut à 5h du matin. Ses compagnons avaient de leur mieux pansé sa blessure à l'épaule, mais le plus habile chirurgien n'aurait pu lui sauver la vie. Il s'éteignit dans les bras d'Irène et fut enterré par ses amis à la lisière d'un petit bois. Chérubim, inconsciemment, fit son oraison funèbre. « Pauvre vieux, dit-il, c'était un bon type. Il était loyal et droit. C'est ce qu'on peut demander de mieux à un homme, et même à une femme, sauf le respect que je dois à Miss. Maintenant, gentlemen, si l'un de vous veut faire un bout de prière, j'écouterai avec patience, car de mon naturel, j'ai l'esprit large. » La jeune fille s'agenouilla sur la tombe, les joues ruisselant de larmes, mais nul n'entendit les mots qu'elle prononça. Chérubim, tenant des deux mains son chapeau appliqué contre sa poitrine, se composa une physionomie qu'il jugea adéquate à la circonstance, et quand le petit groupe s'éloigna de la tombe, il resta en arrière. Au bout de quelques minutes, lorsqu'il rejoignit ses amis, il refermait son couteau en courant. « Fâché de vous retarder, ladies and gentlemen, mais dans certains cas, je suis sentimental. Je l'ai toujours été et je le serai toujours. »« Qu'est-ce que vous faisiez ?» demanda Malcolm, tandis que l'auto repartait. Cherry parut embarrassé et se racla la gorge. « Eh bien, pour dire la vérité, j'ai fait une petite croix et l'ai plantée au-dessus de sa tête. Mais, » commença Malcolm. La main d'Irène lui ferma la bouche. « Merci, Master Bim. C'est une très bonne pensée que vous avez eue. »« Je n'ai rien fait de mal, j'espère, » demanda Cherry, alarmé. « Certainement non, » répondit gentiment Irène. Cette croix sur la tombe de Kensky devait donner aux fugitifs une journée de répit. Israël avait laissé à la place où la balle de la sentinelle l'avait frappé un bonnet de fourrure portant son nom. À la quantité de sang qu'ils trouvèrent, les poursuivants comprirent que le juif était mortellement blessé. C'est une tombe qu'ils cherchèrent sur leur route, mais celle qu'ils rencontrèrent étant surmontée d'une croix, ils crurent que c'était la sépulture d'un chrétien et passèrent outre. Traversant le gué, ils descendirent vers le sud de la rivière, sur les bords de laquelle le vieux Kensky dormait de son dernier sommeil. Le danger restait très grand pour les quatre amis. « Tout ce que nous pouvons espérer, » dit Malenkov, « c'est d'éviter d'être découvert pendant 2 jours encore, après quoi nous devrons abandonner l'auto. »« De quel côté faut-il nous diriger ?» demanda Malcolm. « Vers la Pologne ou l'Ukraine. » La Pologne et la petite Russie ne reconnaissent pas l'autorité du Soviet de Moscou. Nous gagnerons peut-être Odessa, mais évidemment, nous ne pouvons guère aller plus loin. J'ai, ou plutôt j'avais, un domaine à environ 70 verstes d'ici, et je crois que je puis compter sur le dévouement de quelques-uns de mes gens, s'ils sont encore en vie. Par exemple, il faut nous débarrasser de l'auto, mais cela sera, je pense, assez simple. Ils traversaient maintenant une vaste plaine qui évoqua pour les voyageurs les steppes de l'Ukraine. C'était le même horizon large, la même foison de fleurs, genêts, trèfles et bleuets, parsemant les prairies, et çà et là, des groupes de chênes rabougris ou de bouleaux misérables. « Nous allons vite, » dit Malcolm. « Vous ne croyez pas qu'on puisse nous rattraper ?»« Par la route, non, mais je ne suis pas tranquille, » en traversant cette plaine où l'auto soulève des nuages de poussière. « Que redoutez-vous ? » « Les avions, mon cher. Tenez, je perçois un petit bois où nous ferions mieux de chercher un abri, jusqu'à ce que la nuit tombe. Truboïsk, le prochain village, étant un marché important, il doit s'y trouver des représentants du Soviet. » Ces appréhensions étaient justifiées, car à peine la voiture s'était-elle engagée sous les arbres qu'un gros avion parut dans le ciel. Il survolait la route à peine à 100 pieds du sol et passa avec un grondement puis s'éloigna. Les fugitifs le suivirent des yeux jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'une tache sur les nuages. « Ils nous font décidément beaucoup d'honneur, » répliqua Malcolm. « Oh, » dit Malenkov, « Bulba dut donner une version de son cru. En ce moment, vous êtes considérés non seulement comme des ennemis de la Révolution, mais comme des agents accrédités des nations capitalistes. On vous accuse probablement, Master Hay, d'avoir été envoyé par le chef de votre gouvernement pour exciter les bourgeois à renverser le nôtre. Mr. Bim sera dépeint comme un agent secret venu pour assassiner Lénine ou Trotsky. Si vous pouviez seulement intercepter un sans-fil officiel, vous apprendriez qu'un complot sérieux contre la Révolution a été découvert et que les financiers américains sont gravement compromis. À moins que l'Amérique ne soit en faveur à Petrograd, auquel cas ce seraient les financiers anglais. Alors nous sommes un incident international. conclut Malcolm en riant. « Parfaitement, » dit le général très grave. Cherubim, assis sur le marchepied, fumait un long cigare, extrait d'une boîte que lui avait donnée Petrov en cadeau d'adieu. « Jamais, oh jamais, » dit-il, « je n'aurais cru qu'on me prendrait pour un fonctionnaire de la police. » Malinkov, qui s'était avancé en flânant jusqu'à la lisière du bois, retourna précipitamment vers ses compagnons. « L'avion revient, » dit-il, « il en amène un autre. » Les deux appareils se mirent en effet à évoluer au-dessus de leur tête d'une façon méthodique, comme s'ils fouillaient le pays. Un petit bois, à 2 000 de là, semblait particulièrement attirer leur vigilance. « De quelle couleur est le toit de cet auto ?» dit Sounacheri, et sans attendre la réponse, il grimpa dessus. « Ah, il est blond. Il est temps de préparer un de ces petits camouflages dont j'ai si souvent entendu parler. » Les quatre hommes se mirent en devoir d'arracher de petites branches d'arbres et de feuillages qu'ils accumulèrent sur le haut de la voiture. Bim, qui avait l'instinct de la supercherie, dirigeait le travail. Comme le soleil descendait maintenant à l'horizon, l'astucieux gangster para aussi à un nouveau danger. « Baissez toutes les vitres, » dit-il, « jetez un manteau sur le pare-brise et cachez tout ce qui miroite. » Comme le ronflement de l'avion se rapprochait, les fugitifs s'aplatirent par terre contre les troncs d'arbres. Tout à coup, il y eut une sourde explosion qui étourdit la jeune fille et la jeta contre Malcolm. D'un mouvement instinctif, elle se redressa pour courir, mais lui la rejeta sur le sol. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle tout bas. « Une petite bombe, » chuchota Malcolm, « un vieux truc d'aviateur lorsqu'il fouille des bois où se cachent des corps d'infanterie. Si quelqu'un se met à courir, il trahit la présence des autres. » L'avion continua à tracer des cercles. Enfin, comme satisfait de son inspection, il prit une direction différente et le ronronnement des moteurs s'éteignit peu à peu dans le lointain. « Je ne comprends pas très bien ce qui se passe, » dit Malinkov. « Même en supposant que Bulba ait raconté son histoire, cette recherche obstinée de notre groupe semble inspirée par une raison spéciale. » Il s'arrêta et reprit, après un moment de silence. « Connaissez-vous un autre motif à cet entêtement de Bulba nous poursuivre ?»« Je crois que oui, » dit Malcolm, se souvenant brusquement du livre magique. « Vous avez un objet appartenant à Kensky ?» demanda le général avec vivacité. « Pas ce livre infernal, j'espère !» Il avait l'air si agité que Mr. Hayes se mit à rire. « Mais si, j'ai le livre infernal, mais c'est en réalité celui de la grande duchesse. »« Le mien ?» dit cette dernière avec surprise. « Oui, Altesse, la dernière fois qu'Israël Kensky m'a parlé, c'est pour exprimer le désir que cet objet devint votre propriété. » Elle frissonna. « Toute ma vie semble avoir été associée à la recherche de cet affreux livre. Je me demande si c'est une des belles reliures faites par Kensky. Vous savez que ce travail était chez le pauvre vieux une manie. Il avait relié 6 volumes et tous délicieusement décorés. Il était riche, n'est-ce pas ? » Irène secoua la tête. « Il n'avait pas un sou quand il est mort, » dit-elle tranquillement. « Toutes ses marchandises ont été confisquées et son argent saisi par ordre du nouveau gouvernement. Je lui ai demandé un jour pourquoi il ne se servait pas de son livre magique pour se tirer d'embarras. Il m'a répondu que le temps n'était pas encore venu. « Puis-je voir ce livre ?» Malcolm tira de sa poche le précieux objet dans son enveloppe de toile et le tendit à la grande duchesse qui le regarda sérieusement. « Savez-vous, Master Hay, que j'ai presque envie de le jeter au feu ?» Il désignait le bois qui brûlait lentement à l'endroit où la bombe était posée. « Il semble que quelque chose de sinistre s'attache à la possession de ce livre. Il me fait peur. » Après l'avoir considéré pendant quelques minutes, elle le rendit à Malcolm en murmurant « Pauvre Israël !» Le petit groupe n'osa plus bouger jusqu'à ce que la nuit fût venue. Malinkov pensait qu'il existait un chemin de traverse qui leur permettrait d'éviter le village. Il était plus prudent, en effet, de rester en pleine campagne, car si l'avion avait pu aller chercher du renfort, cela prouvait l'existence d'un camp proche. L'heure qui suivit fut angoissante pour tous, sauf pour Cherubim, qui s'était fabriqué un coussin et s'était installé sur le porte-bagages à l'arrière de la voiture, de façon à pouvoir dormir sans tomber. L'auto marchait lentement, Malinkov craignant de dépasser le chemin de traverse. Le général était de plus en plus préoccupé. Bien qu'on approchât du village, aucune lumière n'était en vue. À un moment, il lui sembla apercevoir de sombres silhouettes se mouvant au ras du sol et il crut à une hallucination. Mais 500 mètres plus loin, il se rendit compte que ses yeux ne l'avaient pas trompé. une lumière rouge apparut sur la ligne du ciel, au sommet d'une petite côte, qu'ils commencèrent à gravir, et ils virent nettement plusieurs ombres avancer à leur rencontre. Le chauffeur stoppa brusquement, juste à temps, car les phares donnèrent dans un arbre couché en travers de la route. Malcolm abaisse son revolver, mais la lutte aurait été trop inégale. En arrêtant l'auto, le chauffeur avait calé le moteur, et déjà ils étaient entourés. Un homme tenant une lampe électrique projetait un faisceau de lumière dans l'intérieur de la voiture et compta ses occupants. 1, 2, 3, 4. Tiens, il devrait être 5. Celui-là, c'est le général aristocrate. L'autre, ancien soldat anglais. Ça, c'est la femme. Mais il y avait aussi un criminel. Est-ce que vous avez vu sauter quelqu'un, vous autres ? Demanda-t-il en se retournant. Non, répondit à cœur de voix. D'autres pas se rapprochaient. L'homme à la lampe, qui paraissait être l'officier, fit le tour de l'auto et découvrit le siège arrière, mais son occupant avait disparu. « Tonnerre, il y avait un homme ici » hurla-t-il. « Fouillez les abords de la route, voyons. Il ne peut pas être loin d'ici. » Et projetant sa lumière sur le sol, « Tenez, voilà ses chaussures. Vous allez le trouver dans les buissons. Cherchez vite. » Malcolm entoura de son bras la jeune fille. « N'avez pas peur ?» demanda-t-il doucement. « Non, mon ami. Je ne peux plus avoir peur, désormais. J'ai foi en Dieu. Est-ce que Thierry s'est échappé ?»« Je crois que oui, » dit tout bas le jeune homme. « Il a dû voir les soldats et sauter, car il ne trouvait que ses chaussures par terre. » L'officier revint vers eux. « Vous avez des armes, donnez-les-moi. » C'eût été folie d'opposer la moindre résistance. Malcolm tendit son revolver et Malenkov suivit son exemple. Non content de leur soumission, l'officier les fit descendre de voiture et les surveilla tout le temps que dura la recherche de Bim. Lorsque les investigations furent terminées sans succès, « Remontez, leur dit-il, on va vous conduire chez le commissaire. La femme se renvoie à Moscou où on la demande, mais nous jugerons sommairement l'étranger, Malenkov, ainsi que le petit voleur, dès qu'on l'aura retrouvé. » Puis s'adressant au chauffeur, « Je vais m'asseoir à côté de toi, mon petit pigeon. » Et si tu ne suis pas mes instructions, tu recevras une balle dans la tête. Allons, en route !»